Psaume 52. Machile de David, donné au maître chantre, sur ce que Doé, Iduméen, vint à Saül, et lui rapporta, disant, David est venu en la maison d'Ahimélec. Pourquoi te vends-tu du mal, vaillant homme? La gratuité du Dieu fort dure tous les jours. Ta langue trame des méchancetés, elle est comme un rasoir affilé, qui trompe. Tu aimes plus le mal que le bien, et le mensonge plus que de dire la vérité, c'est là. Tu aimes tous les discours pernicieux, et le langage trompeur. Aussi le Dieu fort te détruira pour jamais, il t'enlèvera et t'arrachera de ta tente, et il te déracinera de la terre des vivants, c'est là. Et les justes le verront, et craindront, et ils se riront d'un tel homme, disant. Voilà cet homme qui ne tenait point de Dieu pour sa force, mais qui s'assurait sur ses grandes richesses, et qui mettait sa force en sa malice. Mais moi, je serai dans la maison de Dieu, comme un olivier qui verdit. Je m'assure en la gratuité de Dieu pour toujours et à perpétuité. Je te célébrerai à jamais de ce que tu auras fait ces choses, et je mettrai mon espérance en ton nom, parce qu'il est bon envers tes bien-aimés. Psaume 52. Machile de David, donné au maître chantre, sur ce que Doé, Iduméen, vint à Saül, et lui rapporta, disant, David est venu en la maison d'Ahimélec. Pourquoi te vends-tu du mal, vaillant homme? La gratuité du Dieu fort dure tous les jours. Ta langue trame des méchancetés, elle est comme un rasoir affilé, qui trompe. Tu aimes plus le mal que le bien, et le mensonge plus que de dire la vérité, c'est là. Tu aimes tous les discours pernicieux, et le langage trompeur. Aussi le Dieu fort te détruira pour jamais, il t'enlèvera et t'arrachera de ta tente, et il te déracinera de la terre des vivants, c'est là. Et les justes le verront, et craindront, et ils se riront d'un tel homme, disant. Voilà cet homme qui ne tenait point de Dieu pour sa force, mais qui s'assurait sur ses grandes richesses, et qui mettait sa force en sa malice. Mais moi, je serai dans la maison de Dieu, comme un olivier qui verdit. Je m'assure en la gratuité de Dieu pour toujours et à perpétuité. Je te célébrerai à jamais de ce que tu auras fait ces choses, et je mettrai mon espérance en ton nom, parce qu'il est bon envers tes bien-aimés.